La 10e édition du Festival des biens extrêmes débute ce week-end avec une programmation complètement disjonctée. Ça débute jeudi avec un tournoi de poker, suivi d'un vendredi 100% rock, samedi, championnat du monde de pédalo, jeux gonflables, hommage aux Beatles, et dimanche, championnat régional de motocross et après-midi country sous le chapiteau, suivi de la tourtière extrême, chaise musicale, feu d'artifice et Geno Music. Cet été, bien disjoncté à des biens, ville de l'extrême. Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets Chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs de régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets Chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS. De vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 88-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. On va parler de la Ligue canadienne de football. C'est toujours le fun de parler avec Luc Brodeur, Jourdain des Alouettes. C'est un gars qui s'exprime bien. C'est un gars que je vois dans les médias. J'y ai déjà dit. Mais là, on va parler de football et de sa saison. Salut, Luc. Bonjour. Luc, d'abord, si on parlait un peu de la saison jusqu'à maintenant, c'était une défaite quand même assez honorable la semaine dernière. Mais avant, je veux te parler de Mike Sherman. Mike Sherman a quitté ou a été congédié quelques jours avant le début du camp d'entraînement. À quelque part, est-ce que ça a chambardé un petit peu le fait de le schéma de travail et des joueurs à quelques jours du camp d'entraînement du début de la saison? C'est sûr que ça bouscule l'entrée en saison régulière, dans le sens où est-ce que habituellement, durant un camp d'entraînement, ce que tu essaies de travailler, oui, c'est la cohésion entre les joueurs, la cohésion entre tes coéquipiers, puis ta façon que tu vas évoluer, ton livre de jeu, tu veux t'imprégner de l'information que les entraîneurs te véhiculent, mais tu veux également créer un lien avec ton entraîneur de position, ton coordonnateur d'unité, puis ton entraîneur-chef, parce que ultimement, à la toute fin de ce processus-là, lorsque tu disputes le dernier match de la saison, qui est le plus important, est-ce que tu souhaites d'être à la Coupe Grey puis de remporter cette Coupe Grey-là, tu souhaites le vivre avec des gens avec lesquels tu te sens proche, ou du moins avec un cœur qui est soudé, tissé, serré, et qui incorpore également l'entraîneur-chef. Et là, de commencer la saison régulière... en changeant la personne à titre d'entraîneur-chef, puis avec le départ de Mike Sherman, je considère qu'on a une situation qui est plus favorable au scénario que j'ai décrit plus antérieurement. Okay. Harry Jones est un entraîneur qui est à l'attention des joueurs, qui porte attention, qui a été joueur lui aussi dans la Ligue canadienne de football, donc connaît très bien la Ligue en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Alors que dans le cas de Mike Sherman, je pense que c'est pas nécessairement pour dire que c'était un mauvais fit ou un mauvais agencement, mais dans le cas de Coach Sherman, c'est que je veux pas d'avoir été dans la NFL en premier lieu et d'avoir été dans un environnement 100% professionnel avec des décisions qui ont plusieurs zéros à la suite. Ben oui. À la suite de la décision en question, de savoir est-ce que tu investis encore arrière ou en ton entraîneur-chef, et puis le changement de personnel, je pense que la réalité de la Ligue canadienne est totalement différente encore aujourd'hui. Est-ce que, Luc, je vais te poser une question. Est-ce que Mike Sherman est arrivé avec l'histoire, comme bien des entraîneurs américains, ils ont dit « Moi, j'ai dirigé les Packers de Green Bay, je vais vous montrer comment ça marche le football ». J'ai pas senti qu'il avait en lui le désir de nous changer. Ouais. De nous changer en tant que joueur, en tant que ligue et en tant que style de football. J'ai pas le sentiment qu'il est arrivé en voulant nous changer, mais j'ai pas senti non plus qu'il était en position de se changer lui-même. Ouais. L'adaptation était plutôt difficile dans le sens où est-ce que le football, ouais. Aussi simple ça puisse paraître parfois, les petites nuances, les petites différences qui existent entre la Ligue canadienne de football et puis la Ligue nationale de football sont petites, sont anodines, mais ça fait en sorte que c'est pas du tout le même sport. Oui, ça joue de la même façon avec des épaulettes, un casque, un ballon, mais lorsqu'on parle au niveau des stratégies, de la gestion de match, parce que l'entraîneur-chef, c'est la gestion de match, c'est le gestionnaire d'équipe en place. Comment gérer l'horaire? Et on est dans une situation où est-ce que dans la Ligue canadienne de football, les joueurs ont les organisations ont une exclusivité sur les joueurs pendant 4h30 durant la journée. Donc, on a 4h30 pour faire notre divisionnement de film, faire notre pratique, combien de temps on passe sur le terrain, combien de temps on passe à l'extérieur du terrain. Et chacune des minutes investies à quelque chose doit rapporter en situation de match. Et je pense que d'arriver dans un environnement aussi restreint, aussi serré, pour Mike Sherman, ça a été difficile. Écoute, on va se le dire, les coachs américains, là, Dan Hawkins, après ça, il y en a eu un à Toronto, là, après Trestman, ça n'a pas été fort non plus. Bart Andrus, là, Mike Sherman. Les coachs qui viennent de la NFL, là, on va se le dire, sais-tu, j'espère qu'on va arrêter de triper là-dessus, là, puis on va donner des chances à des Kerry Jones. Pas Kerry Jones, je l'ai confiance, moi. Tu regardes les bons entraîneurs dans l'histoire des Canadiens, c'est des anciens carrières. Dave Dickinson, Jason Moss, il y a eu également John Hofnagel, a été un ancien carrière dans les Canadiens de football également. On va se le dire, là, moi j'en ai confiance. Puis Kerry Jones, c'est un gars qui connaît la Ligue canadienne, qui a été joueur le plus utile à son équipe également. Je pense qu'il faut, on va lui donner la chance. Puis il connaît les petites subtilités aussi. Puis il vous regarde pas de haut. Ça, ben, c'est ça la différence. Exactement. Puis à partir du moment où est-ce que ça a été la nomination de Kerry Jones qui a été prise pour le rôle d'entraîneur-chef, j'ai senti à l'intérieur même de la chambre des joueurs que il y avait un. Je veux pas dire le soulagement, ce serait pas un bon mot, mais c'était comme si c'était un souffle de confiance. Okay. Un souffle de confiance qui est apparu de dire bon ben regarde, on le sait depuis de nombreuses années, on le sait depuis maintenant 2012-2013 que on est en quête d'un corps arrière, on cherche un corps arrière, on cherche quelqu'un qui est capable de nous mener ou de mener la barque jusqu'aux séries, puis ensuite remporter ces trois victoires-là qui font en sorte que tu as le trophée au-dessus de la tête. Tu cherches ça, mais il faut avoir un groupe d'entraîneurs qui connaît assez la Ligue pour le faire. Et c'est là que c'est extrêmement difficile quand on regarde dans la sélection des entraîneurs des dernières années, à l'exception de voyons, j'ai un blanc de mémoire. Mark Trestman qui s'est très, très bien ajusté à la NFL. Ouais. À la Ligue canadienne de football dans son passage, mais il y avait l'ouverture d'esprit, puis lui-même était un entraîneur principalement de corps arrière. Donc, ouais. Il voyait le monde d'opportunités qu'il y avait devant lui dans la Ligue canadienne de football. Mais à l'exception de Mark Trestman, c'est vrai que c'est un constat d'échec dans le recrutement d'entraîneurs, d'anciens entraîneurs de la NFL qui font le saut vers la Ligue canadienne. C'est un football différent et puis tu te dois d'ouvrir tes horizons et de comprendre le football à la façon canadienne. Paul Dunn est un ami de Mike Sherman, c'est ton entraîneur direct de la ligne à l'attaque. Comment que c'est? Oui. Avec Paul Dunn? Commencer avec Paul Dunn. Paul le dit constamment dans ses réunions. Si tu n'as pas la capacité de t'ajuster, de t'adapter, tu ne dureras pas longtemps dans cette business. Je pense qu'il y a une bonne ouverture d'esprit globalement, mais pour lui aussi, ça a été difficile de s'ajuster à la Ligue canadienne. C'est quand même un entraîneur qui a 30 ans, 35 ans d'expérience, autant au niveau universitaire américain qu'au football de la NFL. Mais lorsque tu prends en considération son expérience de la Ligue canadienne, ben ça se limite à une saison. Et c'est de voir comment il va s'ajuster au livre offensif 100% exclusif à Kerry Jones et puis comment il va aborder les matchs dans la préparation. Mais en tant que tel, le point de vue tactique et technique, écoute, c'est un entraîneur qui est respectable. C'est pas évidemment, moi je serais capable personnellement de faire un ranking des meilleurs entraîneurs que j'ai eu de ma carrière et puis Pat Meyer étant le meilleur entraîneur de ligne offensive que j'ai eu de toute ma carrière. Et puis, juste ici au Québec, en Carl Brennan, dans la région de Québec, avec Rougeard, qui est un entraîneur exceptionnel, qui a pratiquement rien à apprendre de n'importe quel entraîneur qu'il y a dans la Ligue canadienne de football pour la position de ligne offensive. Là, on a la crème de la crème ici à Québec. Là. Donc, il y a de nombreux entraîneurs et chacun a leur force et leur faiblesse. Puis Paul Dunn tente de s'ajuster à la Ligue canadienne encore. La vente de l'équipe, est-ce que c'est un roman savant? Est-ce que vous en parlez un peu dans le vestiaire? Parce que c'est rendu quasiment une joke, cette histoire-là. Là. Ou encore, vous dites, regarde, on n'y peut rien. Nous, on peut se concentrer sur le football, puis c'est ça qu'on regarde. Je dirais que à l'interne, c'est quelque chose qui est pas très très discuté. C'est pas très très discuté. C'est beaucoup discuté évidemment dans le, parce qu'on a quand même un fort noyau maintenant de joueurs qui sont de la région, Donc on est capable de se parler entre nous autres un peu de ce qui se passe. Mais en tant que tel, tu sais, c'est on n'a pas plus d'informations que ce qui est véhiculé au sein des médias là. C'est un dossier encore qui est passé. Je pense qu'on est rendu à 5 acheteurs potentiels. Ah, c'est ridicule. Mais est-ce qu'on sait s'il y a eu une offre concrète à quelque part, quelque chose de vraiment chiffré adéquatement et puis d'approuvé, de reçu par la Ligue canadienne de football? J'en ai aucune idée, vraiment aucune idée. Okay. Je sais par contre que, et j'arrête pas de le répéter à chaque fois qu'on m'en parle, même dans ma famille ou dans mes proches, tout ce que je sais, c'est que la personne qui va faire, le groupe d'individus qui va procéder à l'acquisition des Alouettes de Montréal, oui, on a un joyau, on a quelque chose à offrir ici à Montréal. On a une très très bonne, une bonne équipe de bons jeunes joueurs. C'est sûr qu'il manque encore le coordinateur avec le corps arrière, quelque chose qui va nous montrer qu'il va avoir une performance au retour de qu'est-ce qu'on avait il y a peut-être une dizaine d'années. Ça va prendre un certain temps pour s'ajuster à ça, mais je crois que le marché Montréal est encore très, très bon. Puis on est la franchise de la province de Québec en termes de football professionnel. Donc, il y a un marché. Le marché est là. Par contre, ça a besoin d'énormément d'investissements. Luc, on fait une pause. Oui, on va continuer après la pause. Je veux juste parler de l'Est, de l'Est actuellement. C'est-à-dire, écoute, notre avec Luc Baudouin-Jourdain. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS. De vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeurs d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. La 10e édition du Festival des biens extrêmes débute ce week-end avec une programmation complètement disjonctée. Ça débute jeudi avec un tournoi de poker, suivi d'un vendredi 100% rock, samedi, championnat du monde de pédalo, jeux gonflables, hommage aux Beatles, et dimanche, championnat régional de motocross et après-midi country sous le chapiteau, suivi de la tourtière extrême, chaise musicale, feu d'artifice et génomusique. Cet été, bien disjoncté. Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs de régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3339. On est de retour avec Luc Baudin. Luc, je voulais te parler de l'Est de la Ligue canadienne de football. Trevor Harris est rendu à Edmonton. Toronto, c'est Ricky Ray a pris sa retraite. Me semble qu'il y a une porte ouverte pour les Alouettes pour une saison intéressante. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Je pense que la fenêtre d'opportunité dans l'Est est présente en ce moment, considérant aussi même Hamilton en tant que tel. Oui, on m'a sauvé en place, mais c'est toujours bien un joueur, une blessure clé, puis on se retrouve avec le même problème de profondeur à Hamilton qu'on a ailleurs dans la conférence de l'Est. Mais ultimement, tu sais, c'est pas nécessairement ce que tu souhaites. Ce que tu souhaites, c'est qu'on a 9 équipes au Canada avec 9 équipes qui sont capables de performer offensivement et adéquatement. puis d'être dans un milieu compétitif optimal. Maintenant, ça nous donne une opportunité, c'est sûr et certain. Si on regarde froidement la conférence de l'Est, Hamilton a une longueur d'avance avec leur carrière en place, mais ils ont quand même perdu leur entraîneur-chef la XFL, exactement. Ouais. Donc, c'est quand même une perte lourde. C'était lui qui était responsable de l'attaque. Donc, le nouveau commandant d'attaque qui est en place, il y a un ajustement à faire à ce niveau-là. On va voir comment ça va se développer de ce côté-là. Mais pour les trois autres équipes de la Conférence de l'Est, assurément, c'est une lutte chaude. Ben Luc, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est toujours le fun de te parler. Bonne rénovation, bonne fin de rénovation. Puis on va se reparler durant la saison. Sinon, ben toujours intéressant de te parler. Excellent, merci beaucoup. Luc Brodeur-Jourdain des Alouettes de Montréal.